Wciąż do mnie zaczęło, ja teraz to to. Za tymi marką co? Bomba to mi, za tym mądrami. Powoła się teraz, ja my domu lecę się. Tele, tele, tele, tele, tele, tele, tele, tele. Na wszędzi wiatry, to papiery. Na wasze chwilę, jak to wąsze. To na teo, i mogą się. Ciągle zale o co tam one, które pejsi do. Tele, tele, tele, tele, tele, tele. Ils sont du mortel, pour vous bien sûr mortel. On sait depuis longtemps qu'il y a plus d'innocents. Je finirai l'Angleterre, je finirai la terre. L'anarchie, l'agresseur, je passe à l'observateur. Tenez, tenez, tenez, retenez. Tenez, tenez, tenez, retenez. Liberté, pour partager, la marche coulée est commencée. De la terre, du monde entier, je veux aller aux enterrements de tous les présidents. Délire, délire, délire, délire, délire, délire, délire.